Livre troisième, La boue dans l'âme. Chapitre 1, Le cloaque et ses surprises. C'est dans l'égout de Paris que se trouvait Jean Valjean. Ressemblance de plus de Paris avec la mer. Comme dans l'océan, le plongeur peut y disparaître. La transition était inouïe. Au milieu même de la ville, Jean Valjean était sorti de la ville. Et, en un clin d'œil, le temps de lever un couvercle et de le refermer, il avait passé du plein jour à l'obscurité complète, de midi à minuit, du fracas au silence, du tourbillon des tonnerres à la stagnation de la tombe. Et, par une péripétie bien plus prodigieuse encore que celle de la rue Polonceau, du plus extrême péril à la sécurité la plus absolue. Chute brusque dans une cave. Disparition dans l'oubliette de Paris. Quitter cette rue où la mort était partout pour cette espèce de sépulcre où il y avait la vie. Ce fut un instant étrange. Il resta quelques secondes comme étourdi, écoutant, stupéfait. La chausse-trappe du salut s'était subitement ouverte sous lui. La bonté céleste l'avait en quelque sorte pris par trahison. Adorables embuscades de la Providence. Seulement le blessé ne remuait point, et Jean Valjean ne savait pas si ce qu'il emportait dans cette fosse était un vivant ou un mort. Sa première sensation fut l'aveuglement. Brusquement, il ne vit plus rien. Il lui sembla aussi qu'en une minute, il était devenu sourd. Il n'entendait plus rien. Le frénétique orage de meurtre qui se déchaînait à quelques pieds au-dessus de lui n'arrivait jusqu'à lui, nous l'avons dit, grâce à l'épaisseur de terre qui l'en séparait, qu'éteint et indistinct, et comme une rumeur dans une profondeur. Il sentait que c'était solide sous ses pieds, voilà tout. Mais cela suffisait. Il étendit un bras, puis l'autre, et toucha le mur des deux côtés, et reconnut que le couloir était étroit. Il glissa, et reconnut que la dalle était mouillée. Il avança un pied avec précaution, craignant un trou, un puisard, quelque gouffre. Il constata que le dallage se prolongeait. Une bouffée de fétidité l'avertit du lieu où il était. Au bout de quelques instants, il n'était plus aveugle. Un peu de lumière tombait du soupirail par où il s'était glissé, et son regard s'était fait à cette cave. Il commença à distinguer quelque chose. Le couloir où il s'était terré, nul autre mot n'exprime mieux la situation, était muré derrière lui. C'était un de ces cul-de-sac que la langue spéciale appelle « branchement ». Devant lui, il y avait un autre mur, un mur de nuit. La clarté du soupirail expirait à 10 ou 12 pas du point où était Jean Valjean et faisait à peine une blancheur blafarde sur quelques mètres de la paroi humide de l'égout. Au-delà, l'opacité était massive. Y pénétrer paraissait horrible et l'entrée y semblait un engloutissement. On pouvait s'enfoncer pourtant dans cette muraille de brume et il le fallait. Il fallait même se hâter. Jean Valjean songea que cette grille, aperçue par lui sous les pavés, pouvait l'être par les soldats, et que tout tenait à ce hasard. Ils pouvaient descendre eux aussi dans ce puits et le fouiller. Il n'y avait pas une minute à perdre. Il avait déposé Marius sur le sol. Il le ramassa. Ceci est encore le mot vrai. Le reprit sur ses épaules et se mit en marche. Il entra résolument dans cette obscurité. La réalité est qu'ils étaient moins sauvés que Jean Valjean ne le croyait. Des périls d'un autre genre, et non moins grands, les attendaient peut-être. Après le tourbillon fulgurant du combat, la caverne des miasmes et des pièges. Après le chaos, le cloaque. Jean Valjean était tombé d'un cercle de l'enfer dans l'autre. Quand il eut fait 50 pas, il fallut s'arrêter. une question se présenta. Le couloir aboutissait à un autre boyau qu'il rencontrait transversalement. Là s'offraient deux voies. Laquelle prendre? Fallait-il tourner à gauche ou à droite? Comment s'orienter dans ce labyrinthe noir? Ce labyrinthe, nous l'avons fait remarquer, a un fil, c'est sa pente. Suivre la pente, c'est aller à la rivière. Jean Valjean le comprit sur le champ. Il se dit qu'il était probablement dans l'égout des Halles, que s'il choisissait la gauche et suivait la pente, il arriverait avant un quart d'heure à quelque embouchure sur la Seine, entre le pont au Change et le pont Neuf, c'est-à-dire à une apparition en plein jour sur le pont le plus peuplé de Paris. Peut-être aboutirait-il à quelque cagnard de carrefour. Stupeur des passants de voir deux hommes sanglants sortir de terre sous leurs pieds. Survenue des sergents de ville, prise d'armes du corps de garde voisin. On serait saisi avant d'être sorti. Il valait mieux s'enfoncer dans le dédale, se fier à cette noirceur et s'en remettre à la providence quant à l'issue. Il remonta la pente et prit à droite. Quand il eut tourné l'angle de la galerie, la lointaine lueur du soupirail disparut. Le rideau d'obscurité retomba sur lui. Et il redevint aveugle. Il n'en avança pas moins et aussi rapidement qu'il put. Les deux bras de Marius étaient passés autour de son cou et les pieds pendaient derrière lui. Il tenait les deux bras d'une main et tâtait le mur de l'autre. La joue de Marius touchait la sienne et s'y collait, étant sanglante. Il sentait couler sur lui et pénétrer sous ses vêtements un ruisseau tiède qui venait de Marius. Cependant, une chaleur humide à son oreille, que touchait la bouche du blessé, indiquait de la respiration, et par conséquent, de la vie. Le couloir où Jean Valjean cheminait maintenant était moins étroit que le premier. Jean Valjean y marchait assez péniblement. Les pluies de la veille n'étaient pas encore écoulées et faisaient un petit torrent au centre du radier, et il était forcé de se serrer contre le mur pour ne pas avoir les pieds dans l'eau. Il allait ainsi ténébreusement. Il ressemblait aux êtres de nuit, tâtonnant dans l'invisible et souterrainement perdus dans les veines de l'ombre. Pourtant, peu à peu, soit que des soupiraux lointains envoyassent un peu de lueur flottante dans cette brume opaque, soit que ses yeux s'accoutumassent à l'obscurité, il lui revint quelques visions vagues et il recommença à se rendre confusément compte tantôt de la muraille à laquelle il touchait, tantôt de la voûte sous laquelle il passait. La pupille se dilate dans la nuit et finit par y trouver du jour, de même que l'âme se dilate dans le malheur et finit par y trouver Dieu. Se diriger était malaisé. Le tracé des égouts répercute, pour ainsi dire, le tracé des rues qui lui est superposé. Il y avait dans le Paris d'alors 2200 rues. Qu'on se figure là-dessous, cette forêt de branches ténébreuses qu'on nomme l'égout. Le système d'égout existant à cette époque, mis bout à bout, eût donné une longueur de 11 lieues. Nous avons dit plus haut que le réseau actuel, grâce à l'activité spéciale des 30 dernières années, n'a pas moins de 60 lieues. Jean Valjean commença par se tromper. Il crut être sous la rue Saint-Denis et il était fâcheux qu'il n'y fût pas. Il y a sous la rue Saint-Denis un vieil égout en pierre qui date de Louis XIII et qui va droit à l'égout collecteur dit Grand Égout, avec un seul coude, à droite, à hauteur de l'ancienne cour des Miracles, et un seul embranchement, l'égout Saint-Martin, dont les quatre bras se coupent en croix. Mais le boyau de la petite truanderie, dont l'entrée était près du cabaret de Corinthe, n'a jamais communiqué avec le souterrain de la rue Saint-Denis. Il aboutit à l'égout Montmartre, et c'est là que Jean Valjean était engagé. Là, les occasions de se perdre abondaient. L'égout Montmartre est un des plus dédaléens du vieux réseau. Heureusement, Jean Valjean avait laissé derrière lui l'égout des Halles, dont le plan géométral figure une foule de mâts de perroquets enchevêtrés. mais il avait devant lui plus d'une rencontre embarrassante et plus d'un coin de rue, car ce sont des rues, s'offrant dans l'obscurité comme un point d'interrogation. Premièrement, à sa gauche, le vaste égout Plâtrière, espèce de casse-tête chinois, poussant et brouillant son chaos de T et de Z sous l'autel des postes et sous la rotonde de la halle au blé jusqu'à la Seine, où il se termine en Y. Deuxièmement, à sa droite, le corridor courbe de la rue du Cadran avec ses trois dents qui sont autant d'impasses. Troisièmement, à sa gauche, l'embranchement du mail, compliqué presque à l'entrée, d'une espèce de fourche, et allant de zigzag en zigzag aboutir à la grande crypte exutoire du Louvre, tronçonnée et ramifiée dans tous les sens. Enfin, à droite, le couloir cul-de-sac de la rue des Jeuneurs, sans compter de petits réduits ça et là, avant d'arriver à l'égout de ceinture, lequel seul pouvait le conduire à quelque issue assez lointaine pour être sûr. Si Jean Valjean eût eu quelque notion de tout ce que nous indiquons ici, il se fut vite aperçu, rien qu'en tâtant la muraille, qu'il n'était pas dans la galerie souterraine de la rue Saint-Denis. Au lieu de la vieille pierre de taille, au lieu de l'ancienne architecture, hautaine et royale jusque dans l'égout, avec radier et assises courantes en granit et mortier de chaux grasse, laquelle coûtait 800 livres la toise, il eût senti sous sa main le bon marché contemporain, l'expédient économique, la meulière à bain de mortier hydraulique sur couche de béton, qui coûte 200 francs le mètre, la maçonnerie bourgeoise dite à petits matériaux. Mais il ne savait rien de tout cela. Il allait devant lui, avec anxiété, mais avec calme, ne voyant rien, ne sachant rien, plongé dans le hasard, c'est-à-dire englouti dans la providence. Par degrés, disons-le, quelque horreur le gagnait. L'ombre qui l'enveloppait entrait dans son esprit. Il marchait dans une énigme. Cet aqueduc du cloaque est redoutable. Il s'entrecroise vertigineusement. C'est une chose lugubre d'être pris dans ce Paris de ténèbres. Jean Valjean était obligé de trouver et presque d'inventer sa route sans la voir. Dans cet inconnu, chaque pas qu'il risquait pouvait être le dernier. Comment sortirait-il de là? Trouverait-il une issue? La trouverait-il à temps? Cette colossale éponge souterraine aux alvéoles de pierre se laisserait-elle pénétrer et percer? Y rencontrerait-on quelque nœud inattendu d'obscurité? Arriverait-on à l'inextricable et à l'infranchissable? Marius y mourrait-il d'hémorragie et lui de faim? Finirait-il par se perdre là, tous les deux, et par faire deux squelettes dans un coin de cette nuit? Il l'ignorait. Il se demandait tout cela et ne pouvait se répondre. L'intestin de Paris est un précipice. Comme le prophète, il était dans le ventre du monstre. Il eut brusquement une surprise. À l'instant le plus imprévu, et sans avoir cessé de marcher en ligne droite, il s'aperçut qu'il ne montait plus. L'eau du ruisseau lui battait les talons au lieu de lui venir sur la pointe des pieds. L'égout maintenant descendait. Pourquoi ? Allait-il donc arriver soudainement à la Seine ? Ce danger était grand, mais le péril de reculer l'était plus encore. Il continua d'avancer. Ce n'était point vers la Seine qu'il allait. Le dos d'âne que fait le sol de Paris, sur la rive droite, vide un de ses versants dans la Seine et l'autre dans le grand égout. La crête de ce dos d'âne qui détermine la division des eaux dessine une ligne très capricieuse. Le point culminant, qui est le lieu de partage des écoulements, est, dans l'égout Saint-Avoy, au-delà de la rue Michel-le-Comte, dans l'égout du Louvre, près des boulevards, et dans l'égout Montmartre, près des Halles. C'est à ce point culminant que Jean Valjean était arrivé. Il se dirigeait vers l'égout de ceinture. Il était dans le bon chemin, mais il n'en savait rien. Chaque fois qu'il rencontrait un embranchement, il en tâtait les angles, et s'il trouvait l'ouverture qui s'offrait moins large que le corridor où il était, il n'entrait pas et continuait sa route, jugeant avec raison que toute voie plus étroite devait aboutir à un cul-de-sac et ne pouvait que l'éloigner du but, c'est-à-dire de l'issue. Il évita ainsi le quadruple piège qui lui était tendu dans l'obscurité par les quatre dédales que nous venons d'énumérer. À un certain moment, il reconnut qu'il sortait de dessous le Paris pétrifié par l'émeute, où les barricades avaient supprimé la circulation, et qu'il rentrait sous le Paris vivant et normal. Il eut subitement au-dessus de sa tête comme un bruit de foudre, lointain mais continu. C'était le roulement des voitures. Il marchait depuis une demi-heure environ, du moins au calcul qu'il faisait en lui-même, et n'avait pas encore songé à se reposer. Seulement, il avait changé la main qui soutenait Marius. L'obscurité était plus profonde que jamais, mais cette profondeur le rassurait. Tout à coup, il vit son ombre devant lui. Elle se découpait sur une faible rougeur, presque indistincte, qui empourprait vaguement le radier à ses pieds et la voûte sur sa tête, et qui glissait à sa droite et à sa gauche sur les deux murailles visqueuses du corridor. Stupéfait, il se retourna. Derrière lui, dans la partie du couloir qu'il venait de dépasser, à une distance qui lui parut immense, flamboyait, rayant l'épaisseur obscure, une sorte d'astre horrible qui avait l'air de le regarder. C'était la sombre étoile de la police qui se levait dans l'égout. Derrière cette étoile remuaient confusément 8 ou 10 formes noires, droites, indistinctes, terribles. Chapitre 2. Explication. Dans la journée du 6 juin, une battue des égouts avait été ordonnée. On craignit qu'ils ne fussent pris pour refuge par les vaincus, et le préfet Gisquet dut fouiller le Paris occulte pendant que le général Bugeaud balayait le Paris public. Double opération connexe qui exigea une double stratégie de la force publique, représentée en haut par l'armée et en bas par la police. 3 pelotons d'agents et d'égoutiers explorèrent la voirie souterraine de Paris. Le premier rive droite, le deuxième rive gauche, le troisième dans la cité. Les agents étaient armés de carabines, de casse-têtes, d'épées et de poignards. Ce qui était en ce moment dirigé sur Jean Valjean, c'était la lanterne de la ronde de la rive droite. Cette ronde venait de visiter la galerie courbe et les 3 impasses qui sont sous la rue du Cadran. Pendant qu'elle promenait son falot au fond de ces impasses, Jean Valjean avait rencontré sur son chemin l'entrée de la galerie, l'avait reconnue plus étroite que le couloir principal et n'y avait point pénétré. Il avait passé outre. Les hommes de police, en ressortant de la galerie du Cadran, avaient cru entendre un bruit de pas dans la direction de l'égout de ceinture. C'étaient les pas de Jean Valjean, en effet. Le sergent chef de ronde avait élevé sa lanterne et l'escouade s'était mise à regarder dans le brouillard du côté d'où était venu le bruit. Ce fut pour Jean Valjean une minute inexprimable. Heureusement, s'il voyait bien la lanterne le voyait mal. Elle était la lumière et il était l'ombre. Il était très loin et mêlé à la noirceur du lieu. Il se rencogna le long du mur et s'arrêta. Du reste, il ne se rendait pas compte de ce qui se mouvait là derrière lui. L'insomnie, le défaut de nourriture, les émotions l'avaient fait passer lui aussi à l'état visionnaire. Il voyait un flamboiement et autour de ce flamboiement, des larves. Qu'était-ce ? Il ne comprenait pas. Jean Valjean s'étant arrêté, le bruit avait cessé. Les hommes de la ronde écoutaient et n'entendaient rien. Ils regardaient et ne voyaient rien. Ils se consultèrent. Il y avait à cette époque, sur ce point de l'égout Montmartre, Une espèce de carrefour, dit de service, qu'on a supprimé depuis à cause du petit lac intérieur qui formait, en s'y engorgeant dans les forts orages, le torrent des eaux pluviales. La ronde put se pelotonner dans ce carrefour. Jean Valjean vit ses larves faire une sorte de cercle. Ses têtes de dogue se rapprochèrent et chuchotèrent. Le résultat de ce conseil, tenu par les chiens de garde, fut qu'on s'était trompé, qu'il n'y avait pas eu de bruit, qu'il n'y avait là personne, qu'il était inutile de s'engager dans les goûts de ceinture, que ce serait du temps perdu, mais qu'il fallait se hâter d'aller vers Saint-Méry, que s'il y avait quelque chose à faire et quelque bousingot à dépister, c'était dans ce quartier-là. De temps en temps, les partis remettent des semelles neuves à leurs vieilles injures. En 1832, le mot « bousingot » faisait l'intérim entre le mot « jacobin » qui était éculé et le mot « démagogue » alors presque inusité et qui a fait depuis un si excellent service. Le sergent donna l'ordre d'obliquer à gauche vers le versant de la Seine. S'ils eussent eu l'idée de se diviser en deux escouades et d'aller dans les deux sens, Jean Valjean était saisi. Cela tint à ce fil. Il est probable que les instructions de la préfecture, prévoyant un cas de combat et les insurgés en nombre, défendaient à la ronde de se morceler. La ronde se remit en marche, laissant derrière elle Jean Valjean. De tout ce mouvement, Jean Valjean ne perçut rien, sinon l'éclipse de la lanterne qui se retourna subitement. Avant de s'en aller, le sergent, pour l'acquis de la conscience de la police, déchargea sa carabine du côté qu'on abandonnait, dans la direction de Jean Valjean. La détonation roula d'écho en écho dans la crypte comme le borborygme de ce boyau titanique. Un plâtras qui tomba dans le ruisseau et fit clapoter l'eau à quelques pas de Jean Valjean l'avertit que la balle avait frappé la voûte au-dessus de sa tête. Des pas, mesurés et lents, résonnèrent quelque temps sur le radier, de plus en plus amortis par l'augmentation progressive de l'éloignement. Le groupe de formes noires s'enfonça, une lueur oscilla et flotta, faisant à la voûte un cintre rougeâtre qui décrut, puis disparut. Le silence redevint profond. L'obscurité redevint complète. La cécité et la surdité reprirent possession des ténèbres. Et Jean Valjean, n'osant encore remuer, demeura longtemps adossé au mur, l'oreille tendue, la prunelle dilatée, regardant l'évanouissement de cette patrouille de fantômes. Chapitre 3. L'homme filé. Il faut rendre à la police de ce temps-là cette justice que, même dans les plus graves conjonctures publiques, elle accomplissait imperturbablement son devoir de voirie et de surveillance. Une émeute n'était point à ses yeux un prétexte pour laisser aux malfaiteurs la bride sur le cou et pour négliger la société par la raison que le gouvernement était en péril. Le service ordinaire se faisait correctement à travers le service extraordinaire et n'en était pas troublé. Au milieu d'un incalculable événement politique commencé, sous la pression d'une révolution possible, sans se laisser distraire par l'insurrection et la barricade, un agent filait un voleur. C'était précisément quelque chose de pareil qui se passait dans l'après-midi du 6 juin au bord de la Seine, sur la berge de la rive droite, un peu au-delà du pont des Invalides. Il n'y a plus là de berge aujourd'hui. L'aspect des lieux a changé. Sur cette berge, deux hommes séparés par une certaine distance semblaient s'observer. L'un évitant l'autre, celui qui allait en avant tâchait de s'éloigner, celui qui venait par derrière tâchait de se rapprocher. C'était comme une partie d'échecs qui se jouait de loin et silencieusement. Ni l'un ni l'autre ne semblait se presser et ils marchaient lentement tous les deux, comme si chacun d'eux craignait de faire, par trop de hâte, doubler le pas à son partenaire. On eût dit un appétit qui suit une proie, sans avoir l'air de le faire exprès. La proie était sournoise et se tenait sur ses gardes. Les proportions voulues entre la fouine traquée et le dogue traqueur étaient observées. Celui qui tâchait d'échapper avait peu d'encolure et une chétive mine. Celui qui tâchait d'empoigner, gaillard de haute stature, était de rude aspect et devait être de rude rencontre. Le premier, se sentant le plus faible, évitait le second. Mais il l'évitait d'une façon profondément furieuse. Qui eût pu l'observer et eût vu dans ses yeux la sombre hostilité de la fuite et toute la menace qu'il y a dans la crainte. La berge était solitaire. Il n'y avait point de passants. Pas même de bateliers ni de débardeurs dans les chalands amarrés çà et là. On ne pouvait apercevoir aisément ces deux hommes que du quai en face, et pour qui les eût examinés à cette distance, l'homme qui allait devant eût apparu comme un être hérissé, déguenillé et oblique, inquiet et grelottant sous une blouse en haillons, et l'autre comme une personne classique et officielle, portant la redingote de l'autorité, boutonnée jusqu'au menton. Le lecteur reconnaîtrait peut-être ces deux hommes s'il les voyait de plus près. Quel était le but du dernier ? Probablement d'arriver à vêtir le premier plus chaudement. Quand un homme habillé par l'État poursuit un homme en guenille, c'est afin d'en faire aussi un homme habillé par l'État. Seulement, la couleur est toute la question. Être habillé de bleu, c'est glorieux. Être habillé de rouge, c'est désagréable. Il y a une pourpre d'en bas. C'est probablement quelques désagréments et quelques pourpres de ce genre que le premier désirait esquiver. Si l'autre le laissait marcher devant et ne le saisissait pas encore, c'était, selon toute apparence, dans l'espoir de le voir aboutir à quelque rendez-vous significatif et à quelque groupe de bonne prise. Cette opération délicate s'appelle la filature. Ce qui rend cette conjecture tout à fait probable, c'est que l'homme boutonné, apercevant de la berge sur le quai un fiacre qui passait à vide, fit signe au cocher. Le cocher comprit, reconnut évidemment à qui il avait affaire, tourna bride et se mit à suivre au pas du haut du quai les deux hommes. Ceci ne fut pas aperçu du personnage louche et déchiré qui allait en avant. Le fiacre roulait le long des arbres des Champs-Élysées. On voyait passer au-dessus du parapet le buste du cocher, son fouet à la main. Une des instructions secrètes de la police aux agents contient cet article. Avoir toujours à portée une voiture de place, en cas. Tout en manœuvrant chacun de leur côté avec une stratégie irréprochable, ces deux hommes approchaient d'une rampe du quai descendant jusqu'à la berge, qui permettait alors aux cochers de fiacre arrivant de Passy de venir à la rivière faire boire leurs chevaux. Cette rampe a été supprimée depuis, pour la symétrie. Les chevaux crèvent de soif, mais l'œil est flatté. Il était vraisemblable que l'homme en blouse allait monter par cette rampe afin d'essayer de s'échapper dans les Champs-Élysées, lieu orné d'arbres, mais en revanche fort croisé d'agents de police, et où l'autre aurait aisément main forte. Ce point du quai est fort peu éloigné de la maison à portée de Moret à Paris en 1824 par le colonel Braque, et dite « maison de François Ier ». Un corps de garde est là, tout près. À la grande surprise de son observateur, l'homme traqué ne prit point par la rampe de l'abreuvoir. Il continua de s'avancer sur la berge, le long du quai. Sa position devenait visiblement critique. À moins de se jeter à la Seine, qu'allait-il faire? Aucun moyen désormais de remonter sur le quai. Plus de rampe et pas d'escalier. Et l'on était tout près de l'endroit, marqué par le coude de la Seine vers le pont d'Iéna, où la berge, de plus en plus rétrécie, finissait en langue mince et se perdait sous l'eau. Là, il allait inévitablement se trouver bloqué entre le mur à pic à sa droite, la rivière à gauche et en face, et l'autorité sur ses talons. Il est vrai que cette fin de la berge était masquée au regard par un monceau de déblais de 6 à 7 pieds de haut, produit d'on ne sait quelle démolition. Mais cet homme espérait-il se cacher utilement derrière ce tas de gravats qu'il suffisait de tourner? L'expédient eût été puéril, il n'y songeait certainement pas. L'innocence des voleurs ne va point jusque-là. Le tas de déblais faisait au bord de l'eau une sorte d'éminence qui se prolongeait en promontoire jusqu'à la muraille du quai. L'homme suivi arriva à cette petite colline et la doubla, de sorte qu'il cessa d'être aperçu par l'autre. Celui-ci, ne voyant pas, n'était pas vu. Il en profita pour abandonner toute dissimulation et pour marcher très rapidement. En quelques instants, il fut au monceau de déblais et le tourna. Là, il s'arrêta, stupéfait. L'homme qu'il chassait n'était plus là. Éclipse totale de l'homme en blouse. La berge n'avait guère à partir du monceau de déblais qu'une longueur d'une 30aine de pas, puis elle plongeait sous l'eau qui venait battre le mur du quai. Le fuyard n'aurait pu se jeter à la Seine ni escalader le quai sans être vu par celui qu'il suivait. Qu'était-il devenu ? L'homme à la redingote boutonnée marcha jusqu'à l'extrémité de la berge et y resta un moment pensif, les poings convulsifs, l'œil furetant. Tout à coup, il se frappa le front. Il venait d'apercevoir, au point où finissait la terre et où l'eau commençait, une grille de fer large et basse, cintrée, garnie d'une épaisse serrure et de 3 gonds massifs. Cette grille, sorte de porte percée au bas du quai, s'ouvrait sur la rivière autant que sur la berge. Un ruisseau noirâtre passait dessous. Ce ruisseau se dégorgeait dans la Seine. Au-delà de ces lourds barreaux rouillés, on distinguait une sorte de corridor voûté et obscur. L'homme croisa les bras et regarda la grille d'un air de reproche. Ce regard ne suffisant pas, il essaya de la pousser. Il la secoua, elle résista solidement. Il était probable qu'elle venait d'être ouverte, quoiqu'on n'eût entendu aucun bruit, chose singulière d'une grille si rouillée. Mais il était certain qu'elle avait été refermée. Cela indiquait que celui devant qui cette porte venait de tourner avait non un crochet, mais une clé. Cette évidence éclata tout de suite à l'esprit de l'homme qui s'efforçait d'ébranler la grille et lui arracha cet épiphonème indigné. « Voilà qui est fort ! Une clé du gouvernement !» Puis, se calmant immédiatement, il exprima tout un monde d'idées intérieures par cette bouffée de monosyllabes accentuée presque ironiquement. « Tiens, tiens, tiens, tiens !» Cela dit, espérant on ne sait quoi, ou voir ressortir l'homme, ou en voir rentrer d'autres, il se posta aux aguets derrière le tas de déblais, avec la rage patiente du chien d'arrêt. De son côté, le fiacre, qui se réglait sur toutes ses allures, avait fait halte au-dessus de lui près du parapet. Le cocher, prévoyant une longue station, emboîta le museau de ses chevaux dans le sac d'avoine humide en bas, si connu des Parisiens, auquel les gouvernements, soit dit par parenthèse, le mettent quelquefois. Les rares passants du pont d'Iéna, avant de s'éloigner, tournaient la tête pour regarder un moment ces 2 détails du paysage immobile. L'homme sur la berge, le fiacre sur le quai. Chapitre 4. Lui aussi porte sa croix. Jean Valjean avait repris sa marche et ne s'était plus arrêté. Cette marche était de plus en plus laborieuse. Le niveau de ses voûtes varie. La hauteur moyenne est d'environ 5 pieds 6 pouces et a été calculée pour la taille d'un homme. Jean Valjean était forcé de se courber pour ne pas heurter Marius à la voûte. Il fallait à chaque instant se baisser, puis se redresser, tâter sans cesse le mur. la moiteur des pierres et la viscosité du radier en faisaient de mauvais points d'appui, soit pour la main, soit pour le pied. Il trébuchait dans le hideux fumier de la ville. Les reflets intermittents des soupiraux n'apparaissaient qu'à de très longs intervalles, et si blêmes que le plein soleil y semblait clair de lune. Tout le reste était brouillard, miasme, opacité, noirceur. Jean Valjean avait faim et soif, soif surtout. Et c'est là, comme la mer, un lieu plein d'eau où l'on ne peut boire. Sa force, qui était prodigieuse, on le sait, et fort peu diminuée par l'âge, grâce à sa vie chaste et sobre, commençait pourtant à fléchir. La fatigue lui venait, et la force, en décroissant, faisait croître le poids du fardeau. Marius, mort peut-être, pesait comme pèsent les corps inertes. Jean Valjean le soutenait de façon que la poitrine ne fût pas gênée et que la respiration pût toujours passer le mieux possible. Il sentait entre ses jambes le glissement rapide des rats. Un d'eux fut effaré au point de le mordre. Il lui venait de temps en temps par les bavettes des bouches de l'égout un souffle d'air frais qui le ranimait. Il pouvait être 3 heures de l'après-midi quand il arriva à l'égout de ceinture. Il fut d'abord étonné de cet élargissement subit. Il se trouva brusquement dans une galerie dont ses mains étendues n'atteignaient point les deux murs et sous une voûte que sa tête ne touchait pas. Le grand égout, en effet, a 8 pieds de large sur 7 de haut. Au point où l'égout Montmartre rejoint le grand égout, 2 autres galeries souterraines, celle de la rue de Provence et celle de l'abattoir, viennent faire un carrefour. Entre ces 4 voies, un moins sagace eût été indécis. Jean Valjean prit la plus large, c'est-à-dire l'égout de ceinture. Mais ici revenait la question. Descendre ou monter? Il pensa que la situation pressait et qu'il fallait, à tout risque, gagner maintenant la Seine. En d'autres termes, descendre. Il tourna à gauche. Bien lui en prit, car ce serait une erreur de croire que l'égout de ceinture a 2 issues, l'une vers Bercy, l'autre vers Passy, et qu'il est, comme l'indique son nom, la ceinture souterraine du Paris de la rive droite. Le grand égout, qui naît, il faut s'en souvenir, autre chose que l'ancien ruisseau Ménilmontant, aboutit, si on le remonte, à un cul-de-sac, c'est-à-dire à son ancien point de départ, qui fut sa source, au pied de la butte Ménilmontant. Il n'a point de communication directe avec le branchement qui ramasse les eaux de Paris à partir du quartier Popincourt et qui se jette dans la Seine par l'égout à Melot, au-dessus de l'ancienne île Louviers. Ce branchement, qui complète l'égout collecteur, en est séparé, sous la rue Ménilmontant même, par un massif qui marque le point de partage des eaux en amont et en aval. Si Jean Valjean eût remonté la galerie, il fût arrivé, après 1000 efforts, épuisé de fatigue, expirant dans les ténèbres, à une muraille. Il était perdu. À la rigueur, en revenant un peu sur ses pas, en s'engageant dans le couloir des filles du calvaire, à la condition de ne pas hésiter à la patte d'oie souterraine du carrefour Boucherat, en prenant le corridor Saint-Louis, puis à gauche le boyau Saint-Gilles, puis en tournant à droite et en évitant la galerie Saint-Sébastien, il eut pu gagner l'égout à Melot. Et de là, pourvu qu'il ne s'égarât point dans l'espèce d'eff qui est sous la Bastille, atteindre l'issue sur la Seine près de l'Arsenal. Mais pour cela, il eût fallu connaître à fond et dans toutes ses ramifications et dans toutes ses percées l'énorme madréport de l'égout. Or, nous devons y insister. Il ne savait rien de cette voirie effrayante où il cheminait. Et si on lui eût demandé dans quoi il était, il eût répondu « dans de la nuit ». Son instinct le servit bien. Descendre, c'était en effet le salut possible. Il laissa à sa droite les 2 couloirs qui se ramifient en forme de griffe sous la rue Lafitte et la rue Saint-Georges et le long corridor bifurqué de la chaussée d'Antin. un peu au-delà d'un affluent qui était vraisemblablement le branchement de la Madeleine, il fit halte. Il était très là. Un soupirail assez large, probablement le regard de la rue d'Anjou, donnait une lumière presque vive. Jean Valjean, avec la douceur de mouvement qu'aurait un frère pour son frère blessé, déposa Marius sur la banquette de l'égout. La face sanglante de Marius apparut sous la lueur blanche du soupirail, comme au fond d'une tombe. Il avait les yeux fermés, les cheveux appliqués aux tempes comme des pinceaux séchés dans de la couleur rouge, les mains pendantes et mortes, les membres froids, du sang coagulé au coin des lèvres. Un caillot de sang s'était amassé dans le nœud de la cravate. La chemise entrait dans les plaies, le drap de l'habit frottait les coupures béantes de la chair vive. Jean Valjean, écartant du bout des doigts les vêtements, lui posa la main sur la poitrine. Le cœur battait encore. Jean Valjean déchira sa chemise, banda les plaies le mieux qu'il put et arrêta le sang qui coulait. Puis, se penchant dans ce demi-jour sur Marius, toujours sans connaissance et presque sans souffle, il le regarda avec une inexprimable haine. En dérangeant les vêtements de Marius, il avait trouvé dans les poches deux choses, le pain qui était oublié depuis la veille et le portefeuille de Marius. Il mangea le pain et ouvrit le portefeuille. Sur la première page, il trouva les quatre lignes écrites par Marius. On s'en souvient. « Je m'appelle Marius Pontmercy. Portez mon cadavre chez mon grand-père, Monsieur Gilles Normand, rue des Filles du Calvaire, numéro 6, au Marais. » Jean Valjean lut, à la clarté du soupirail, ces quatre lignes, et resta un moment comme absorbé en lui-même, répétant à demi-voix « Rue des Filles du Calvaire, numéro 6, Monsieur Gilles Normand. » Il replaça le portefeuille dans la poche de Marius. Il avait mangé, la force lui était revenue. Il reprit Marius sur son dos, lui appuya soigneusement la tête sur son épaule droite et se remit à descendre l'égout. Le grand égout, dirigé selon le Talweg de la vallée de Ménilmontant, a près de 2 lieues de long. Il est pavé sur une notable partie de son parcours. Ce flambeau du nom des rues de Paris, dont nous éclairons pour le lecteur la marche souterraine de Jean Valjean ne l'avait pas. Rien ne lui disait quelle zone de la ville il traversait, ni quel trajet il avait fait. Seulement, la pâleur croissante des flaques de lumière qu'il rencontrait de temps en temps lui indiqua que le soleil se retirait du pavé et que le jour ne tarderait pas à décliner. Et le roulement des voitures au-dessus de sa tête, étant devenu de continu intermittent, puis ayant presque cessé, il en conclut qu'il n'était plus sous le Paris central et qu'il approchait de quelques régions solitaires, voisines des boulevards extérieurs ou des quais extrêmes. Là où il y a moins de maisons et moins de rues, l'égout a moins de soupiraux. L'obscurité s'épaississait autour de Jean Valjean. Il n'en continua pas moins d'avancer, tâtonnant dans l'ombre. Cette ombre devint brusquement terrible. Chapitre 5. Pour le sable, comme pour la femme, il y a une finesse qui est perfidie. Il sentit qu'il entrait dans l'eau et qu'il avait sous ses pieds non plus du pavé, mais de la vase. Il arrive parfois, sur de certaines côtes de Bretagne ou d'Écosse, qu'un homme, un voyageur ou un pêcheur, cheminant à marée basse sur la grève loin du rivage, s'aperçoit soudainement que depuis plusieurs minutes, il marche avec quelque peine. La plage est sous ses pieds comme de la poix. La semelle s'y attache. Ce n'est plus du sable, c'est de la glu. La grève est parfaitement sèche, mais à tous les pas qu'on fait, dès qu'on a levé le pied, l'empreinte qu'il laisse se remplit d'eau. L'œil, du reste, ne s'est aperçu d'aucun changement. L'immense plage est unie et tranquille, tout le sable a le même aspect. Rien ne distingue le sol qui est solide du sol qui ne l'est plus. La petite nuée joyeuse des pucerons de mer continue de sauter tumultueusement sur les pieds du passant. L'homme suit sa route, va devant lui, appuie vers la terre, tâche de se rapprocher de la côte. Il n'est pas inquiet. Inquiet de quoi ? Seulement, il sent quelque chose, comme si la lourdeur de ses pieds croissait à chaque pas qu'il fait. Brusquement, il enfonce. Il enfonce de 2 ou 3 pouces. Décidément, il n'est pas dans la bonne route. Il s'arrête pour s'orienter. Tout à coup, il regarde à ses pieds. Ses pieds ont disparu. Le sable les couvre. Il retire ses pieds du sable. Il veut revenir sur ses pas. Il retourne en arrière. Il enfonce plus profondément. Le sable lui vient à la cheville. Il s'en arrache et se jette à gauche. Le sable lui vient à mi-jambe. Il se jette à droite. Le sable lui vient au jarret. Alors, il reconnaît avec une indicible terreur qu'il est engagé dans de la grève mouvante et qu'il a sous lui le milieu effroyable où l'homme ne peut pas plus marcher que le poisson n'y peut nager. Il jette son fardeau s'il en a un. Il s'allège comme un navire en détresse. Il n'est déjà plus temps. Le sable est au-dessus de ses genoux. Il appelle, il agite son chapeau ou son mouchoir. Le sable le gagne de plus en plus. Si la grève est déserte, si la terre est trop loin, si le banc de sable est trop mal famé, s'il n'y a pas de héros dans les environs, c'est fini, il est condamné à l'enlisement. Il est condamné à cet épouvantable enterrement long, infaillible, implacable, impossible à retarder ni à hâter, qui dure des heures, qui n'en finit pas, qui vous prend debout, libre et en pleine santé, qui vous tire par les pieds, qui à chaque effort que vous tentez, à chaque clameur que vous poussez, vous entraîne un peu plus bas, qui a l'air de vous punir de votre résistance par un redoublement d'étreinte, qui fait rentrer lentement l'homme dans la terre, en lui laissant tout le temps de regarder l'horizon, les arbres, les campagnes vertes, les fumées des villages dans la plaine, les voiles des navires sur la mer, les oiseaux qui volent et qui chantent, le soleil, le ciel. L'enlisement, c'est le sépulcre qui se fait marée et qui monte du fond de la terre vers un vivant. Chaque minute est une ensevelisseuse inexorable. Le misérable essaie de s'asseoir, de se coucher, de ramper. Tous les mouvements qu'il fait l'enterrent. Il se redresse, il enfonce. Il se sent engloutir. Il hurle, implore, crie aux nuées, se tord les bras, désespère. Le voilà dans le sable jusqu'au ventre. Le sable atteint la poitrine. Il n'est plus qu'un buste. Il élève les mains, jette des gémissements furieux, crispe ses ongles sur la grève, veut se retenir à cette cendre, s'appuie sur les coudes pour s'arracher de cette gaine molle, sanglote frénétiquement. Le sable monte, le sable atteint les épaules, le sable atteint le cou. La face seule est visible maintenant. La bouche crie, le sable l'emplit. Silence. Les yeux regardent encore, le sable les ferme. Nuit. Puis le front décroît. Un peu de chevelure frissonne au-dessus du sable. Une main sort, troue la surface de la grève, remue et s'agite, et disparaît. Sinistre effacement d'un homme. Quelquefois, le cavalier s'enlise avec le cheval. Quelquefois, le charretier s'enlise avec la charrette. Tout sombre sous la grève. C'est le naufrage ailleurs que dans l'eau. C'est la terre noyant l'homme. La terre, pénétrée d'océan, devient piège. Elle s'offre comme une plaine et s'ouvre comme une onde. L'abîme a de ses trahisons. Cette funèbre aventure, toujours possible sur telle ou telle plage de la mer, était possible aussi, il y a 30 ans, dans l'égout de Paris. Avant les importants travaux commencés en 1833, la voirie souterraine de Paris était sujette à des effondrements subis. L'eau s'infiltrait dans de certains terrains sous-jacents particulièrement friables. Le radier, qu'il fût de pavé, comme dans les anciens égouts, ou de chaux hydrauliques sur béton, comme dans les nouvelles galeries, n'ayant plus de point d'appui, pliait. Un pli dans un plancher de ce genre, c'est une fente. Une fente, c'est l'écroulement. Le radier croulait sur une certaine longueur. Cette crevasse, hiatus d'un gouffre de boue, s'appelait dans la langue spéciale fontis. Qu'est-ce qu'un fontis? C'est le sable mouvant des bords de la mer, tout à coup rencontré sous terre. C'était la grève du Mont-Saint-Michel dans un écu. Le sol, détrempé, est comme en fusion. Toutes ses molécules sont en suspension dans un milieu mou. Ce n'est pas de la terre et ce n'est pas de l'eau. Profondeur quelquefois très grande. Rien de plus redoutable qu'une telle rencontre. Si l'eau domine, la mort est prompte, il y a engloutissement. Si la terre domine, la mort est lente, il y a enlisement. Se figure-t-on une telle mort? Si l'enlisement est effroyable sur une grève de la mer, qu'est-ce dans le cloaque? Au lieu du plein air, de la pleine lumière, du grand jour, de ce clair horizon, de ces vastes bruits, de ces libres nuages d'où pleut la vie, de ces barques aperçues au loin, de cette espérance sous toutes les formes, des passants probables, du secours possible jusqu'à la dernière minute, au lieu de tout cela, la surdité, l'aveuglement, une voûte noire, un dedans de tombe déjà tout fait, la mort dans de la bourbe sous un couvercle. L'étouffement lent par l'immondice, une boîte de pierre où l'asphyxie ouvre sa griffe dans la fange et vous prend à la gorge, la fétidité mêlée au râle, la vase au lieu de la grève, l'hydrogène sulfuré au lieu de l'ouragan, l'ordure au lieu de l'océan. Et appeler et grincer des dents, et se tordre et se débattre et agoniser avec cette ville énorme qui n'en sait rien et qu'on a au-dessus de sa tête. Inexprimable horreur de mourir ainsi. La mort rachète quelquefois son atrocité par une certaine dignité terrible. Sur le bûcher, dans le naufrage, on peut être grand. Dans la flamme comme dans l'écume, une attitude superbe est possible. On s'y transfigure en s'y abîmant. Mais ici, point, la mort est malpropre. Il est humiliant d'expirer. Les suprêmes visions flottantes sont abjectes. Boue est synonyme de honte. C'est petit, laid, infâme. Mourir dans une tonne de malvoisie comme Clarence, soit dans la fosse du boueur comme d'Escoubleau, c'est horrible. Se débattre là-dedans est hideux. En même temps qu'on agonise, on patauge. Il y a assez de ténèbres pour que ce soit l'enfer, et assez de fange pour que ce ne soit que le bourbier. Et le mourant ne sait pas s'il va devenir spectre ou s'il va devenir crapaud. Partout ailleurs, le sépulcre est sinistre. Ici, il est difforme. La profondeur des fontis variait, et leur longueur et leur densité, en raison de la plus ou moins mauvaise qualité du sous-sol. Parfois, un fontis était profond de 3 ou 4 pieds, parfois de 8 ou 10. Quelquefois, on ne trouvait pas le fond. La vase était ici presque solide, là, presque liquide. Dans le fontis lunière, un homme eût mis un jour à disparaître, tandis qu'il eût été dévoré en 5 minutes par le bourbier Filippo. La vase porte plus ou moins, selon son plus ou moins de densité. Une enfant se sauve ou un homme se perd. La première loi de salut, c'est de se dépouiller de toute espèce de chargement. Jeter son sac d'outils, ou sa hotte, ou son auge, c'était par là que commençait tout égoutier qui sentait le sol fléchir sous lui. Les fontis avaient des causes diverses. Friabilité du sol, quelque éboulement à une profondeur hors de la portée de l'homme, les violentes averses de l'été, l'ondée incessante de l'hiver, les longues petites pluies fines. Parfois, le poids des maisons environnantes sur un terrain marneux ou sablonneux chassait les voûtes des galeries souterraines et les faisait grandir. Ou bien il arrivait que le radier éclatait et se fendait sous cette écrasante poussée. Le tassement du Panthéon a oblitéré de cette façon, il y a un siècle, une partie des caves de la montagne Sainte-Geneviève. Quand un égout s'effondrait sous la pression des maisons, le désordre, dans certaines occasions, se traduisait en haut dans la rue par une espèce d'écart en dents de scie entre les pavés. Cette déchirure se développait en ligne serpentante dans toute la longueur de la voûte lézardée. Et alors, le mal étant visible, le remède pouvait être prompt. Il advenait aussi que souvent le ravage intérieur ne se révélait par aucune balafre au dehors. Et dans ce cas-là, malheur aux égoutiers. Entrant sans précaution dans l'égout défoncé, ils pouvaient s'y perdre. Les anciens registres font mention de quelques puisatiers ensevelis de la sorte dans les fontis. Ils donnent plusieurs noms. Entre autres, celui de l'égoutier qui s'enlisa dans un effondrement sous le cagnard de la rue Carême-Prenant, un nommé Blaise Poutrin. Ce Blaise Poutrin était frère de Nicolas Poutrin, qui fut le dernier fossoyeur du cimetière, dit « charnier des innocents » en 1785, époque où ce cimetière mourut. Il y eut aussi ce jeune et charmant vicomte d'Escoubleau dont nous venons de parler, l'un des héros du siège de Lérida, où l'on donna l'assaut en bas de soie, violons en tête. D'Escoubleau, surpris une nuit chez sa cousine, la duchesse de Sourdis, se noya dans une fondrière de l'égout Beautreilly, où il s'était réfugié pour échapper au duc. Madame de Sourdis, quand on lui raconta cette mort, demanda son flacon et oublia de pleurer à force de respirer des sels. En pareil cas, il n'y a pas d'amour qui tienne, le cloaque l'éteint. Héros refuse de laver le cadavre de Léandre. Thisbé se bouche le nez devant Pyrame et dit « Pouah !» Chapitre 6. Le fontis. Jean Valjean se trouvait en présence d'un fontis. Ce genre d'écroulement était alors fréquent dans le sous-sol des Champs-Élysées, difficilement maniable aux travaux hydrauliques et peu conservateur des constructions souterraines à cause de son excessive fluidité. Cette fluidité dépasse l'inconsistance des sables même du quartier Saint-Georges, qui n'ont pu être vaincus que par un enrochement sur béton, et des couches glaiseuses infectées de gaz du quartier des Martyrs, si liquide que le passage n'a pu être pratiqué sous la galerie des Martyrs qu'au moyen d'un tuyau en fonte. Lorsqu'en 1836, on a démoli sous le faubourg Saint-Honoré pour le reconstruire, le vieil égout en pierre, où nous voyons en ce moment Jean Valjean engagé, le sable mouvant, qui est le sous-sol des Champs-Élysées jusqu'à la Seine, fit obstacle au point que l'opération dura près de 6 mois, au grand récrit des riverains, surtout des riverains à hôtel et à carrosse. Les travaux furent plus que malaisés, ils furent dangereux. Il est vrai qu'il y eut 4 mois et demi de pluie et 3 crues de la Seine. Le fontis que Jean Valjean rencontrait avait pour cause l'averse de la veille. Un fléchissement du pavé, mal soutenu par le sable sous-jacent, avait produit un engorgement d'eau pluviale. L'infiltration s'étant faite, l'effondrement avait suivi. Le radier, disloqué, s'était affaissé dans la vase. Sur quelle longueur? Impossible de le dire. L'obscurité était là plus épaisse que partout ailleurs. C'était un trou de boue dans une caverne de nuit. Jean Valjean sentit le pavé se dérober sous lui. Il entra dans cette fange. C'était de l'eau à la surface, de la vase au fond. Il fallait bien passer. Revenir sur ses pas était impossible. Marius était expirant et Jean Valjean exténué. Où aller ailleurs? Jean Valjean avança. Du reste, la fondrière parut peu profonde au premier pas. Mais à mesure qu'il avançait, ses pieds plongeaient. Il eut bientôt de la vase jusqu'à mi-jambe et de l'eau plus haut que les genoux. Il marchait, exhaussant de ses 2 bras Marius le plus qu'il pouvait au-dessus de l'eau. La vase lui venait maintenant aux jarrets et l'eau à la ceinture. Il ne pouvait déjà plus reculer. Il enfonçait de plus en plus. Cette vase, assez dense pour le poids d'un homme, ne pouvait évidemment emporter deux. Marius et Jean Valjean eussent eu chance de s'en tirer isolément. Jean Valjean continua d'avancer, soutenant ce mourant, qui était un cadavre peut-être. L'eau lui venait aux aisselles, il se sentait sombré. C'est à peine s'il pouvait se mouvoir dans la profondeur de bourbe où il était. La densité qui était le soutien était aussi l'obstacle. Il soulevait toujours Marius, et avec une dépense de force inouïe, il avançait. Mais il enfonçait. Il n'avait plus que la tête hors de l'eau et ses deux bras élevant Marius. Il y a dans les vieilles peintures du déluge une mère qui fait ainsi de son enfant. Il enfonça encore. Il renversa sa face en arrière pour échapper à l'eau et pouvoir respirer. Qui l'eût vu dans cette obscurité eût cru voir un masque flottant sur de l'ombre. Il apercevait vaguement au-dessus de lui la tête pendante et le visage livide de Marius. Il fit un effort désespéré et lança son pied en avant. Son pied heurta on ne sait quoi de solide, un point d'appui. Il était temps. Il se dressa et se tordit et s'enracina avec une sorte de furie sur ce point d'appui. Cela lui fit l'effet de la première marche d'un escalier remontant à la vie. Ce point d'appui, rencontré dans la vase au moment suprême, était le commencement de l'autre versant du radier, qui avait plié sans se briser et s'était courbé sous l'eau comme une planche et d'un seul morceau. Les pavages bien construits font voûte et ont de ces fermetés-là. Ce fragment de radier, submergé en partie, mais solide, était une véritable rampe. Et une fois sur cette rampe, on était sauvé. Jean Valjean remonta ce plan incliné et arriva de l'autre côté de la fondrière. En sortant de l'eau, il se heurta à une pierre et tomba sur les genoux. Il trouva que c'était juste. Et y resta quelque temps, l'âme abîmée dans on ne sait quelle parole à Dieu. Il se redressa, frissonnant, glacé, infect, courbé sous ce mourant qu'il traînait, tout ruisselant de fange, l'âme pleine d'une étrange clarté. Chapitre 7. Quelquefois on échoue où l'on croit débarquer. Il se remit en route encore une fois. Du reste, s'il n'avait pas laissé sa vie dans le fontis, il semblait y avoir laissé sa force. Ce suprême effort l'avait épuisé. Sa lassitude était maintenant telle que tous les trois ou quatre pas, il était obligé de reprendre haleine et s'appuyait au mur. Une fois, il dut s'asseoir sur la banquette pour changer la position de Marius, et il crut qu'il demeurerait là. Mais si sa vigueur était morte, son énergie ne l'était point. Il se releva. Il marcha désespérément, presque vite, fit ainsi une centaine de pas sans dresser la tête, presque sans respirer, et tout à coup se cogna au mur. Il était parvenu à un coude de l'égout, et en arrivant tête basse au tournant, il avait rencontré la muraille. Il leva les yeux, et à l'extrémité du souterrain, là-bas, devant lui, loin, très loin, il aperçut une lumière. Cette fois, ce n'était pas la lumière terrible, c'était la lumière bonne et blanche. C'était le jour. Jean Valjean voyait l'issue. Une âme damnée qui, du milieu de la fournaise, apercevrait tout à coup la sortie de la géhenne, éprouverait ce qu'éprouva Jean Valjean. Elle volerait éperdument avec le moignon de ses ailes brûlées vers la porte radieuse. Jean Valjean ne sentit plus la fatigue, il ne sentit plus le poids de Marius, il retrouva ses jarrets d'acier, il courut plus qu'il ne marcha. À mesure qu'il marchait, l'issue se dessinait de plus en plus distinctement. C'était une arche cintrée, moins haute que la voûte, qui se restreignait par degrés, et moins large que la galerie, qui se resserrait en même temps que la voûte s'abaissait. Le tunnel finissait en intérieur d'entonnoir. Rétrécissement vicieux, imité des guichets de maisons de force, logique dans une prison, illogique dans un égout, qui a été corrigé depuis. Jean Valjean arriva à l'issue. Là, il s'arrêta. C'était bien la sortie, mais on ne pouvait sortir. L'arche était fermée d'une forte grille, et la grille, qui selon toute apparence tournait rarement sur ses gonds oxydés, était assujettie à son chambranle de pierre par une serrure épaisse, qui, rouge de rouille, semblait une énorme brique. On voyait le trou de la clé et le pêne robuste profondément plongé dans la gage de fer. La serrure était visiblement fermée à double tour. C'était une de ces serrures de Bastille que le vieux Paris prodiguait volontiers. Au-delà de la grille, le grand air, la rivière, le jour, la berge très étroite, mais suffisante pour s'en aller, les quais lointains, Paris, ce gouffre où l'on se dérobe si aisément, le large horizon, la liberté. On distinguait à droite, en aval, le pont d'Iéna, et à gauche, en amont, le pont des Invalides. L'endroit eût été propice pour attendre la nuit et s'évader. C'était un des points les plus solitaires de Paris, la berge qui fait face aux gros cailloux. Les mouches entraient et sortaient à travers les barreaux de la grille. Il pouvait être 8h30 du soir, le jour baissait. Jean Valjean déposa Marius le long du mur sur la partie sèche du radier, puis marcha à la grille et crispa ses deux poings sur les barreaux. La secousse fut frénétique, l'ébranlement nul. La grille ne bougea pas. Jean Valjean saisit les barreaux l'un après l'autre, espérant pouvoir arracher le moins solide et s'en faire un levier pour soulever la porte ou pour briser la serrure. Aucun barreau ne remua. Les dents d'un tigre ne sont pas plus solides dans leurs alvéoles. Pas de levier, pas de pesée possible. L'obstacle était invincible. Aucun moyen d'ouvrir la porte. Fallait-il donc finir là? Que faire? Que devenir? Rétrograder? Recommencer le trajet effrayant qu'il avait déjà parcouru? Il n'en avait pas la force. D'ailleurs, comment traverser de nouveau cette fondrière d'où l'on ne s'était tiré que par miracle? Et après la fondrière, n'y avait-il pas cette ronde de police à laquelle, certes, on n'échapperait pas deux fois? Et puis, où aller? Quelle direction prendre? Suivre la pente, ce n'était point aller au but. Arriva-t-on jamais à une autre issue? On la trouverait obstruée d'un tampon ou d'une grille. Toutes les sorties étaient indubitablement closes de cette façon. Le hasard avait décelé la grille par laquelle on était entré, mais évidemment toutes les autres bouches de l'égout étaient fermées. On n'avait réussi qu'à s'évader dans une prison. C'était fini. Tout ce qu'avait fait Jean Valjean était inutile. Dieu refusait. Ils étaient pris l'un et l'autre dans la sombre et immense toile de la mort. Et Jean Valjean sentait courir sur ses fils noirs, tressaillant dans les ténèbres, l'épouvantable araignée. Il tourna le dos à la grille et tomba sur le pavé, plutôt terrassé qu'assis, près de Marius, toujours sans mouvement. Et sa tête s'affaissa entre ses genoux. Pas d'issue. C'était la dernière goutte de l'angoisse. À qui songeait-il dans ce profond accablement? Ni à lui-même, ni à Marius. Il pensait à Cosette. Chapitre 8. Le pan de l'habit déchiré. Au milieu de cet anéantissement, une main se posa sur son épaule et une voix qui parlait bas lui dit « Pars à deux !» Quelqu'un dans cette ombre ? Rien ne ressemble au rêve comme le désespoir. Jean Valjean crut rêver. Il n'avait point entendu de pas. Était-ce possible? Il leva les yeux. Un homme était devant lui. Cet homme était vêtu d'une blouse. Il avait les pieds nus. Il tenait ses souliers dans sa main gauche. Il les avait évidemment ôtés pour pouvoir arriver jusqu'à Jean Valjean sans qu'on l'entendît marcher. Jean Valjean n'eut pas un moment d'hésitation. Si imprévu que fût la rencontre, cet homme lui était connu. Cet homme était Thénardier. quoique réveillé, pour ainsi dire, en sursaut, Jean Valjean, habitué aux alertes et aguerri aux coups inattendus qu'il faut parer vite, reprit possession sur le champ de toute sa présence d'esprit. D'ailleurs, la situation ne pouvait empirer. Un certain degré de détresse n'est plus capable de crescendo. Et Thénardier lui-même ne pouvait ajouter de la noirceur à cette nuit. Il y eut un instant d'attente. Thénardier, élevant sa main droite à la hauteur de son front, s'en fit un abat-jour. Puis il rapprocha les sourcils en clignant les yeux, ce qui, avec un léger pincement de la bouche, caractérise l'attention sagace d'un homme qui cherche à en reconnaître un autre. Il n'y réussit point. Jean Valjean, on vient de le dire, tournait le dos au jour, et était d'ailleurs si défiguré, si fangeux et si sanglant, qu'en plein midi il eût été méconnaissable. Au contraire, éclairé de face par la lumière de la grille, clarté de cave, il est vrai, livide, mais précise dans sa lividité, Thénardier, comme dit l'énergique métaphore banale, sauta tout de suite aux yeux de Jean Valjean. Cette inégalité de conditions suffisait pour assurer quelque avantage à Jean Valjean, dans ce mystérieux duel qui allait s'engager entre les deux situations et les deux hommes. La rencontre avait lieu entre Jean Valjean voilé et Thénardier démasqué. Jean Valjean s'aperçut tout de suite que Thénardier ne le reconnaissait pas. Ils se considérèrent un moment dans cette pénombre comme s'ils se prenaient mesure. Thénardier rompit le premier le silence. « Comment vas-tu faire pour sortir ?» Jean Valjean ne répondit pas. Thénardier continua. « Impossible de crocheter la porte. Il faut pourtant que tu t'en ailles d'ici. »« C'est vrai, » dit Jean Valjean. « Eh bien, pars à deux. »« Que veux-tu dire ?»« Tu as tué l'homme, c'est bien. Moi, j'ai la clé. » Thénardier montrait du doigt Marius. Il poursuivit. « Je ne te connais pas, mais je veux t'aider. Tu dois être un ami. » Jean Valjean commença à comprendre. Thénardier le prenait pour un assassin. Thénardier reprit. « Écoute, camarade, tu n'as pas tué cet homme sans regarder ce qu'il avait dans ses poches. Donne-moi ma moitié, je t'ouvre la porte. » Et, tirant à demi une grosse clé de dessous sa blouse toute trouée, il ajouta. « Veux-tu voir comment est faite la clé des champs ? Voilà. » Jean Valjean demeura stupide. Le mot est du vieux Corneille, au point de douter que ce qu'il voyait fût réel. C'était la Providence apparaissant horrible, et le bon ange sortant de terre sous la forme de Thénardier. Thénardier fourra son poing dans une large poche cachée sous sa blouse, en tira une corde et la tendit à Jean Valjean. « Tiens, dit-il, je te donne la corde par-dessus le marché. »« Pourquoi faire une corde ?»« Il te faut aussi une pierre, mais tu en trouveras dehors, il y a là un tas de gravats. »« Pourquoi faire une pierre ?» « Imbécile, puisque tu vas jeter le pantre à la rivière, il te faut une pierre et une corde, sans quoi ça flotterait sur l'eau. » Jean Valjean prit la corde. Il n'est personne qui n'ait de ces acceptations machinales. Thénardier fit claquer ses doigts comme à l'arrivée d'une idée subite. « Ah ça, camarade, comment as-tu fait pour te tirer là-bas de la fondrière? Je n'ai pas osé m'y risquer. »« Peu, tu ne sens pas bon. » Après une pause, il ajouta. « Je te fais des questions, mais tu as raison de ne pas y répondre. C'est un apprentissage pour le fichu quart d'heure du juge d'instruction. Et puis, en ne parlant pas du tout, on ne risque pas de parler trop haut. C'est égal. Parce que je ne vois pas ta figure et parce que je ne sais pas ton nom, tu aurais tort de croire que je ne sais pas qui tu es et ce que tu veux. Connu. Tu as un peu cassé ce monsieur. Maintenant, tu voudrais le serrer quelque part. » Il te faut la rivière, le grand cache-sottise. Je vais te tirer d'embarras. Aider un bon garçon dans la peine, ça me botte. » Tout en approuvant Jean Valjean de se taire, il cherchait visiblement à le faire parler. Il lui poussa l'épaule de façon à tâcher de le voir de profil. et s'écria, sans sortir pourtant du médium où il maintenait sa voix. « À propos de la fondrière, tu es un fier animal. Pourquoi n'y as-tu pas jeté l'homme ?» Jean Valjean garda le silence. Thénardier reprit en haussant jusqu'à sa pomme d'Adam la loque qui lui servait de cravate, geste qui complète l'air capable d'un homme sérieux. « Au fait, tu as peut-être agi sagement. Les ouvriers demain, en venant boucher le trou, auraient, à coup sûr, trouvé le pantinois oublié là. Et on aurait pu, fil à fil, brin à brin, pincer ta trace et arriver jusqu'à toi. Quelqu'un a passé par l'égout. Qui ? Par où est-il sorti ? L'a-t-on vu sortir ? La police est pleine d'esprit. L'égout est traître et vous dénonce. Une telle trouvaille est une rareté. Cela appelle l'attention. Peu de gens se servent de l'égout pour leurs affaires. Tandis que la rivière est à tout le monde. La rivière, c'est la vraie fosse. Au bout d'un mois, on vous repêche l'homme au filet de Saint-Cloud. Eh bien, qu'est-ce que cela fiche ? C'est une charogne, quoi. Qui a tué cet homme ? Paris. Et la justice n'informe même pas. Tu as bien fait. Plus Thénardier était loquace, plus Jean Valjean était muet. Thénardier lui secoua de nouveau l'épaule. Maintenant, concluons l'affaire, partageons. Tu as vu ma clé ? Montre-moi ton argent. Thénardier était hagard, fauve, louche, un peu menaçant, pourtant amical. Il y avait une chose étrange. Les allures de Thénardier n'étaient pas simples. Il n'avait pas l'air tout à fait à son aise. Tout en n'affectant pas d'air mystérieux, il parlait bas. De temps en temps, il mettait son doigt sur sa bouche et murmurait « Chut !» Il était difficile de deviner pourquoi. Il n'y avait là personne que d'eux. Jean Valjean pensa que d'autres bandits étaient peut-être cachés dans quelques recoins pas très loin et que Thénardier ne se souciait pas de partager avec eux. Thénardier reprit. « Finissons. Combien le pantre avait-il dans ses profondes ?» Jean Valjean se fouilla. C'était, on s'en souvient, son habitude d'avoir toujours de l'argent sur lui. La sombre vie d'expédient à laquelle il était condamné lui en faisait une loi. Cette fois pourtant, il était pris au dépourvu. En mettant la veille au soir son uniforme de garde national, il avait oublié, lugubrement absorbé qu'il était, d'emporter son portefeuille. Il n'avait que quelques monnaies dans le gousset de son gilet. Cela se montait à une trentaine de francs. Il retourna sa poche, toute trempée de fange, et étala sur la banquette du radier un louis d'or, 2 pièces de 5 francs et 5 ou 6 gros sous. Thénardier avança la lèvre inférieure avec une torsion de cou significative. « Tu l'as tué pour pas cher, » dit-il. Il se mit à palper, en toute familiarité, les poches de Jean Valjean et les poches de Marius. Jean Valjean, préoccupé surtout de tourner le dos au jour, le laissait faire. Tout en maniant l'habit de Marius, Thénardier, avec une dextérité d'escamoteur, trouva moyen d'en arracher, sans que Jean Valjean s'en aperçût, un lambeau qu'il cacha sous sa blouse, pensant probablement que ce morceau d'étoffe pourrait lui servir plus tard à reconnaître l'homme assassiné et l'assassin. Il ne trouva du reste rien de plus que les 30 francs. « C'est vrai, dit-il, l'un portant l'autre, vous n'avez pas plus que ça. » Et, oubliant son mot « par à deux », il prit tout. Il hésita un peu devant les gros sous. Réflexion faite, il les prit aussi en grommelant. « N'importe, c'est suriner les gens à trop bon marché. » Cela fait, il tira de nouveau la clé de dessous sa blouse. « Maintenant, l'ami, il faut que tu sortes. C'est ici comme à la foire, on paie en sortant. Tu as payé, sors. » Et il se mit à rire. Avait-il, en apportant à un inconnu l'aide de cette clé et en faisant sortir par cette porte un autre que lui, l'intention pure et désintéressée de sauver un assassin. C'est ce dont il est permis de douter.